bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Portrait Civique, l'émission qui dresse des portraits de jeunes en service civique. Aujourd'hui donc c'est la deuxième émission. Si vous ne savez pas ce que c'est le service civique, je vous invite à écouter la première émission qui est donc une émission un peu spéciale pour vous expliquer en détail ce qu'est le service civique. Et aujourd'hui donc c'est le premier portrait civique de l'émission et on est avec Lucie Méline de l'association Mirador. Alors bonjour Lucie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle donc Lucie, je suis j'ai 18 ans, je sors d'un bac ES au lycée La Pique d'Épinal et donc là pendant 9 mois je suis en service civique à l'association Mirador. D'accord. Alors tu as déjà un peu des idées ce que tu vas faire après comme études ? Oui, depuis pas si longtemps que ça. J'aimerais faire une licence en sociologie. Avec introduction à l'anthropologie qui m'intéresse bien aussi. Et puis après, on verra. D'accord. Ça t'a pas fait un peu peur de faire juste, après le bac, faire un service civique ? Au début, si, un petit peu. Et à mes parents aussi. Ça a fait un peu peur. Oui, j'avais peur un petit peu de pas réussir à me remettre dans les études, dans les livres. Tout ça, et en fait, maintenant, au fur et à mesure que ça avance, je me dis que des fois, je vais à la fac avec mes amis voir un peu les cours, tout ça, et ça me donne envie, quoi. J'ai envie d'aller à la fac. Voilà, c'était juste une année de transition, quoi. D'accord. Alors, comment as-tu connu le service civique, en général ? La première fois, c'était... J'étais à une animation au centre Léo Lagrange, et il y avait quelqu'un en service civique qui m'a parlé de ce qu'il faisait et ça m'a paru super intéressant. Donc après je suis allée sur le site, j'ai vu l'émission, puis j'en ai entendu parler autour de moi dans plusieurs endroits. Donc voilà. Du coup en fait t'as d'abord entendu parler du service civique et tu te dis ben pourquoi pas moi et du coup t'as cherché une mission. C'est ça. Et comment t'as trouvé Mirador ? En fait, Mirador, je suis bénévole à Mirador depuis que je suis en première. Oui, c'est ça. J'ai connu Mirador quand j'étais en première. Et puis après, j'avais déjà cette idée de faire un service civique. Donc, j'en avais parlé à Morgane, qui m'avait dit, tu sais, nous, on prend des services civiques, des volontaires en mission de service civique. Et donc je réfléchissais où je pouvais aller, je regardais, donc j'avais cette éventuelle possibilité de Mirador dans la tête, je regardais un petit peu sur le site. À un moment j'ai voulu monter un projet dans ma tête j'avais des idées mais ça mûrissait pas assez, j'arrivais pas à aller à un truc vraiment concret. Donc voilà, j'ai encore cherché et puis Mirador m'a proposé un projet qui m'a emballé. Et donc voilà. Est-ce qu'ils ont un peu créé en fait la mission pour toi ? Je crois pas. Je crois que c'était un projet qu'elle voulait faire et que pour voir trouver quelqu'un quoi. Voilà, c'est ça. En plus. D'accord. Et il y avait d'autres annonces qui t'avaient intéressé en regardant le site ? Il y avait plusieurs choses où je me disais que c'était intéressant, mais j'avais pas flashé vraiment sur une annonce en particulier, non. Tu t'avais recherché un peu par thème ou peut-être par position par rapport à Épinal ? Oui, au début, c'était surtout par thème. Je voulais aller dans... Je crois que les thèmes, c'est citoyenneté, solidarité, tout ça, c'est des thèmes qui me parlaient. Et puis par position, oui... J'avais dans l'idée de le faire sur Épinal parce que j'habite sur Épinal, ma mère habite sur Épinal et c'était une manière aussi de pouvoir économiser De l'argent parce que là je finis en mai, j'ai 3 mois avant l'entrée à la fac et j'aimerais bien pouvoir voyager. Donc s'il aurait fallu payer un transport et puis un loyer dans une autre ville, ça aurait été plus compliqué. Et du coup, c'était un critère pour toi le fait que ça soit une association qui soit connue ? Ça a un peu pesé dans le choix, te dire ben, je connais déjà un peu comment ça marche Au début, je me disais j'aimerais bien aller voir dans d'autres associations comment ça se passe. C'était, du coup, le choix au début, il était fait. Enfin, j'avais ça en tête. Et puis après, je me suis dit que vraiment ce projet-là, il me tenait à cœur et j'avais envie de connaître aussi un peu plus le fonctionnement de cette association où j'étais bénévole, donc j'étais pas là tous les jours, quoi. Donc après, ça a changé et je regrette pas du tout. D'accord. Et tu t'as connu comment, en fait, l'association Mirador ? Par une brochure. En fait, Mirador fait des formations à la gestion et la résolution des conflits pour tout public, que ce soit les écoles, les prisons, les habitants. C'est vraiment vaste. Et donc, j'avais vu un flyer comme ça. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc, j'y suis allée. Sauf qu'en fait, c'était surtout pour des adultes. Et c'était sur mon temps de cours, donc je pouvais pas y aller tous les mois, c'était une fois par mois en fait. Donc on a essayé de trouver une solution pour que je puisse continuer à suivre ces formations, enfin à m'informer de ça. Et donc on a eu l'idée avec Morgan Hirsch de co-animer des ateliers autour de la gestion des conflits dans mon lycée. D'accord. Donc pour les élèves. Et donc voilà, c'est pour ça. Après, on a commencé à monter les ateliers, à demander au lycée, à les préparer ensemble et à les animer ensemble. Ah, du coup, c'est pas du tout en fait le fait qu'ils aient intervenu dans ton lycée avant, en fait. C'est toi vraiment qui as amené l'association dans le lycée. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça s'est vraiment bien passé pendant toute l'année et du coup on a reconduit les ateliers cette année. Et du coup c'était vraiment en fait le contenu des formations qui t'intéressait, plus que le fait de devenir bénévole dans une association et de vraiment t'investir. C'était vraiment en fait le contenu Le contenu m'avait vraiment accroché et puis la manière d'animer aussi m'avait vraiment accroché, des méthodes participatives ludiques, enfin c'était vraiment bien et puis c'était devenir bénévole aussi, j'avais déjà vu quelques associations avec ma mère, j'avais déjà été un petit peu dans ce milieu, et puis voilà, ça m'a donné envie. Ouais. Il n'y a pas tant de lycéens que ça, en fait, qui s'investissent dans des associations aussi. J'en connais pas mal, quand même. Ouais. Toi, ça t'a pas fait peur de te dire, je prépare mon bac et je fais encore de l'associatif à côté ? Non, enfin, ça faisait partie de mon emploi du temps, ça me faisait plaisir, quoi, c'était un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association, du coup, Mirador ? Mm-hmm. Ben, en quoi ça consiste un peu le but de l'association ? Qu'est-ce que ça promeut, en général ? Alors, l'association Mirador, donc elle existe depuis 2012. Elle est donc basée ici, à la Maison des associations d'Épinal. Et son but, c'est de faciliter la compréhension du monde, que ce monde soit global, donc entre pays par exemple, ou interpersonnel. Mm-hmm. Et donc pour ça, on essaie de développer chez les personnes l'empathie. Mm-hmm. Et donc pour ça, on a des méthodes actives, ludiques, comme je disais tout à l'heure. Et puis mettre la... dans toutes les formations, la personne en position d'acteur, c'est-à-dire que il y aura aucun PowerPoint, il y a des mises en pratique, etc. Et peut-être plus concrètement, on fait des formations autour de la gestion et résolution des conflits dans plein de milieux. des projets qui visent à un qui ont pour objectif de se faire rencontrer des gens qui se rencontrent pas forcément habituellement. C'est le cas de ma Du mission. projet, ok. Des outils numériques qui sont disponibles sur le site internet pour comme l'Observatoire qui des crises et des conflits dans le monde, donc qui donne les points de vue de des il y a un conflit, donc par exemple la crise de Cuba, et ensuite on a tous les points de vue des acteurs du conflit qui sont explicités pour pouvoir se faire soi-même sa propre idée et avoir une vision vraiment objective du conflit. Voilà, il y a ça, et puis des sensibilisations sur des thèmes d'actualité au grand public. C'est vraiment très large. Du coup, comment ça se passe? Il y a certaines choses dont tu as parlé, dont l'observatoire et dont ton projet, j'imagine, où c'est les gens vraiment qui sont intéressés et qui viennent vers vous. Et pour les formations, comment ça se passe? Vous démarchez certaines personnes, certains endroits, comme tu as dit, peut-être les écoles? C'est surtout les personnes qui viennent nous demander s'ils pensent avoir besoin de ce genre de formation. C'est surtout eux qui viennent nous demander qui viennent nous demander de venir faire une formation. C'est on ne vient pas on ne propose pas non. Vous vous démarchez pas forcément, Voilà, voilà. c'est ça. Ok. Et du coup, toi, ces formations, tu fais un peu partie de ces choses d'aller former les gens, ou ton projet, c'est vraiment quelque chose à part, ou tu fais un petit peu des deux, tu arrives vraiment à t'investir dans différentes choses dans l'association en tant que service civique? Eh ben, ma mission principale, oui, c'est le site internet. Je continue les formations à la gestion à la gestion des conflits dans mon ancien lycée, du coup. Ça, je continue à préparer les ateliers, à les animer, etc. Au collège, il y a eu un projet qui s'appelle Ambassadeur de la paix au collège Clémenceau, et là je viens aider de temps en temps, mais c'est pas moi qui voilà, Coordonne, le projet. chapeaute le projet, ouais. Voilà. On fait tout de suite une petite pause dans l'émission Portrait civique avec une pause musicale de Goldfish, We Come Together. Vous venez d'entendre Goldfish, We Come Together. Vous êtes toujours dans l'émission Portrait Civique sur Radio Guimauzo et on repart avec Lucie Méline de l'association Mirador à Épinal. Alors du coup, parle-nous un peu plus de ton projet. Mm-hmm. Qui est donc le site internet Ensemble, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, comment tu l'as créé un peu ce site ? C'est toi qui as eu l'idée ou c'est ça, l'idée était déjà donnée et on a proposé que tu le fasses, c'est ça ? Ouais, l'idée était déjà donnée. Les personnes qui travaillent à Mirador, on ne crée pas le site avec le code, le design, mm-hmm. etc. On a on travaille avec une développeuse web et un D'accord. designer. Et on travaille aussi avec des personnes, des habitants d'Épinal en fait, mm-hmm. Qui nous aident à créer ce site. On leur fait faire des tests pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, pour que le site soit vraiment le plus pratique possible. En fait, peut-être qu'il faudrait que je reparte du principe site. En fait, c'est un site internet qui permet de rencontrer des personnes, des habitants de sa ville, des personnes de toute culture, en fait, mmh. autour de centres d'intérêt communs, donc en partageant ses loisirs. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, j'ai envie d'aller faire un foot au parc du château, par exemple, Donc sur le site, j'aurais mis à mon inscription que j'aime le sport et plus particulièrement le foot. Mmh. Donc ça marche par centre d'intérêt. Et donc je propose mon événement. Donc je dis par exemple à 18h ce soir, je vais au parc du château jouer au foot. Et donc je poste ça sur le site et toutes les personnes qui ont mis à l'inscription qu'ils étaient intéressés, qu'ils aimaient le foot. En sont avertis, sont notifiés en fait. Et donc c'est une manière de rencontrer les gens autour de ce qu'on aime faire, autour de nos loisirs, autour de nos passions, de nos activités communes. Ça peut aller de boire un verre, à jouer aux échecs en passant par le foot et le planétarium. Enfin, sans forcément faire de filtre par rapport à l'âge. Non. Et par rapport à la culture, il risque pas d'avoir par exemple des gens tous de la même culture, il va pas forcément avoir un vrai mixte qui se fait quoi. Si. On en avait l'essence du site justement, c'était de se faire rencontrer des personnes de cultures différentes. Donc notre communication, le site a été fait justement pour que tout le monde puisse l'utiliser et mm-hmm. la communication visant à élargir justement les publics, c'est-à-dire que par culture, il y a plein de personnes qui sont arrivées il y a peu de temps ou plus de temps, mm-hmm. De plein de pays et qui seraient peut-être intéressées. Donc on va aller vers les structures comme Adoma par exemple, mm-hmm. qui accueille des migrants. On va aller voir à la maison des étudiants. Enfin, c'est pour essayer d'élargir vraiment les publics. Et puis le site internet a été créé entièrement avec des pictogrammes, c'est-à-dire qu'il y a du texte, mais tout ce qui est en texte est aussi en pictogramme. D'accord, donc n'importe quelle personne qui parle pas français, voilà, pourrait se débrouiller. C'était le but. C'est ça aussi, on fait des tests, il y a des personnes qui parlent plus ou moins bien français qui participent à participe à nos tests et donc ils nous disent s'ils comprennent, s'ils comprennent pas, s'il faut qu'on améliore des choses, etc. Et puis on a fait une semaine en octobre, une semaine complète avec des personnes de toute culture, enfin surtout étrangères. Et donc le matin c'était plutôt cours de français avec une prof de français langue étrangère qui est venue leur faire des cours. Et puis l'après-midi, travail sur le site internet. C'était au tout début, donc il y avait tout à créer. Donc ils nous ont vraiment aidés à créer ça, quoi. On voulait pas faire un site internet qui à trois dans un bureau, quoi. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment pour les gens. Du coup, toi, c'est vraiment en fait le côté humain que tu travailles dans ce projet, en fait. Ah, c'est oui. vraiment le contact avec les gens, être oui. sûr que ça marche bien, qu'ils comprennent le site et qu'ils soient vraiment utilisés, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas du tout le côté informatique, développement, non, rien, ça, tu touches mais pas. Du coup, on apprend quelques trucs. On a vu un peu des lignes de code. C'est, ouais. c'est extraordinaire. C'est fascinant. Mais non, on ne crée pas le site internet. Du coup, n'importe qui, entre guillemets, pourrait faire ce projet. C'est vraiment ouvert, oui. Ouvert à tous. Oui, quoi. Oui. Là, c'est plus à organiser les tests, faire des retours bah, sur le design, sur ce qu'on veut vraiment dans le site. Ok. Mmh. Et alors, du coup, par rapport au projet, ça pourrait être créé pour n'importe quelle taille de ville. Alors, oui. J'imagine que ça a été créé d'abord pour Épinal, puisqu'on a Épinal. Bah en fait, c'est possible. On a rentré toutes les villes de France. D'accord. Avec un logiciel. Hein. Ouais. Je veux dire, ça fait sacré travail, sinon. Oui, oui. Bah, c'est surtout la développeuse web qui nous l'a fait. En fait, dans toutes les villes de France, il est utilisable. D'accord. Même les toutes petites villes. Oui. C'est-à-dire que faut juste en faire la communication autour de chez soi, mais tout le monde peut s'approprier ce site, quoi. C'est vraiment fait pour... Même le but, c'est que ça aille un peu ouais. partout en France, quoi. Et ce serait génial. Est-ce que tu connais un peu le site On va sortir? Oui. Et non, ça ressemble un petit peu... un peu le même principe? Oui, c'est le même principe. Ouais. On peut passer un site de rencontre, même si c'est pas forcément pour... Oui, de rencontre de... Ouais, de... En général, les gens disent, ben, c'est pareil, je vais au parc... Oui. Faire des jeux dans l'herbe, ce que ça vous dit, et il y a des gens qui répondent, et pareil, des sorties cinéma ou des sorties culture. Voilà, c'est ça. D'accord. Et mais vous, ça serait vraiment le principe, un peu différemment, ça serait que ça soit rencontrer d'autres cultures, quoi. Voilà, vraiment c'est faire ça. Un c'est mix, le côté interculturel qui est plus valorisé. Oui, c'est ça. D'accord. Alors du coup, ça en est où? Tu m'as dit, c'est bientôt fini. Oui, c'est on est en pleine préparation de la soirée de lancement qui se fera le 15 mars. D'accord. Le 15 mars 2018, donc à la Souris Verte, à partir de 18h30. Mais on peut venir, c'est quoi? C'est une soirée de lancement dans le sens vous expliquez aux gens, vous allez faire un petit topo Alors on va faire, oui, un petit topo au début pour expliquer, on va montrer un peu comment le site marche. Il y aura des lots à gagner, dont un week-end à Paris. Oui, wow. et puis à la fin, un concert. D'une personne qui chante des chansons dans plein de langues différentes, quoi. D'accord. C'est vraiment le nom de l'artiste. Tu l'as pas forcément sous la langue, ouais. On l'a trouvé aujourd'hui, donc d'accord, donc c'est tout frais. Ouais. Ouais. Donc le soir même, on pourra utiliser le soir du 15 mars, on pourra aller sur le site. Voilà, et donc, c'est ça. Commencer déjà à l'utiliser. Ah oui, oui, oui, oui. Et du coup, tu as l'adresse du site exacte? Là on peut même aller sur le site. Là, il y a déjà une landing page, comme on appelle ouais. dans le milieu, où on peut rentrer son adresse mail et avoir des informations plus précises sur le site avant qu'il soit lancé. Mm-hmm. J'ai peur de dire des bêtises sur c'est ensemble-app.fr. Ensemble ensemble oui, tiré le tiré du 6 oui. ap juste app.fr app.fr. D'accord. Oui. Et c'est ce genre de site qui peut être utilisé sur smartphone aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Là, même le site internet a été créé pour qu'il soit utilisé sur PC et aussi sur téléphone. C'est ouais, c'était voulu. Ok. Et alors, par rapport à ton projet, est-ce que tu es vraiment libre dans ton projet? Est-ce qu'on te demande vraiment d'avoir de l'initiative ou t'es vraiment assez bien encadré par rapport à un peu ce qui était demandé au début? Comment ça se passe? Je peux prendre plein d'initiatives à canaliser des fois. Ok. C'est les tendances à avoir plein d'idées, c'est ça, trop voilà, d'idées. C'est ça. Les brainstorming, c'est pour moi, c'est j'adore ça quand on commence à faire du brainstorming. C'est je suis vraiment libre à pouvoir proposer des choses. Après, elles sont très ouvertes et on en discute, on voit si c'est possible, on voit surtout si on a les financements. Okay. et puis après, oui, si elle trouve aussi que c'est une bonne idée, on fonce, quoi. Ça fait combien de temps que tu es en service civique ? Depuis le 29 août, donc ça fait 4 mois. Oui, 4 mois. D'accord, donc, ouais, à peu près, ouais. 5 bientôt. 5 mois. Ouais, 5 mois. 5 mois. À peu près, ouais. Et du coup, tu as eu quelles évolutions par rapport à ce qui était au début ? Et ce qui est maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont radicalement changé ou c'est à peu près le même fil rouge depuis le début ? Sur ce que je fais dans le projet. C'est vrai que ça a beaucoup changé en fait parce que au début on a fait beaucoup d'interviews pour demander un peu aux gens ce qu'ils attendaient de ce site internet, enfin comment ils le voyaient. On a vraiment réfléchi à l'essence qu'on voulait donner à ce site, les fonctionnalités. Après, ça a été beaucoup plus sur le design, le travail sur les pictogrammes, l'organisation de la semaine avec toutes les personnes pour créer le site. Ensuite, maintenant c'est la soirée de lancement. Après la soirée de lancement, ce sera la communication du site internet. Donc oui, ça évolue beaucoup. Mais du coup, c'est plus par rapport au contenu de tes journées qui bouge. C'est pas le site, il n'y a pas eu vraiment de changement, il n'y a pas eu de mauvaises surprises ou de nouvelles idées forcément. Non, si, ça. Ouais. Au début, il était. Même au début, j'ai du mal à me souvenir comment il était. Le système vraiment du site que j'ai expliqué, ouais. c'était dès le début, je crois qu'il y avait, eu cette idée-là. Ensuite, oui, c'était vraiment le développement du site dans sa création. C'était ça, ça a évolué. On fait tout de suite une petite pause musicale dans Portrait Civique avec une artiste Gomard et un de ses mashups. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we powder in the black. The silly can no die. Like the silly can all die. Back it up, back it in, let me begin. I came to win, but admit that the sin. I want you to suck up, but you better back up. Try and bend the wall, and the world could be locked up. J'en pas la cité, mais le beat est bon. J'en pas de Paname, mais de Marley Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Et ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'art. Dire, c'est des hip. The hippie to the hip, hip hop and you don't stop. And walk it to the bang bang boogie. C'est Adam the boogie to the rhythm of the boogie to beat. 5h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur mon lit dans ces draps bleus froissés. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Avance la voix, arrive par la droite. Il reste une chance, ne sois pas maladroite. Miss Bomb, I sweat like a breeze. Arm, I envy the bomb. In harness, better already. Mom, spaghetti, Alphonse Wall. Son nom, c'est Alphonse Wall. Get up, stand up, push to fuck. Get up, stand up, push to fuck. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici, tout le monde joue des rôles. Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait vite écoulé? On fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Par des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. T'es seul qui maille et je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirais bye bye. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner au racisme de l'espoir. Mais je fais de la musique de noir. Simple, basique, simple. Père Noël. Vive le vent d'hiver. Vous êtes bien dans l'émission Portrait Civique et vous venez d'entendre une chanson de Gomard. D'ailleurs, je vous défie d'avoir retrouvé les 20 titres de son mashup et on est de retour dans l'association Mirador avec Lucie. Alors, est-ce que donc cette association, est-ce qu'on peut venir en tant que bénévole s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent s'investir? C'est possible? Oui, c'est possible. C'est vraiment ouvert à tous? Ah oui, c'est tout à fait possible. Et du coup, toi, après, j'imagine quand tu vas partir pour tes études, pas forcément dans les Vosges, est-ce que tu vas vouloir quand même essayer de continuer à t'investir? J'aimerais vraiment. Il y a un renouvellement du conseil d'administration. Peut-être que je ferai partie du conseil d'administration. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir continuer à suivre un petit peu l'association et encore faire des choses, avoir le temps que j'aurai l'année prochaine, mais ce serait vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. D'accord. Et j'imagine que bon, tu pourras toujours faire découvrir à tes camarades d'étudiants le site. Ah oui. Ça sera ta façon de participer. Ah bah, évidemment. Oui, oui. Je vais sûrement aller sur Nancy. Je pense que je vais en parler autour de moi. Oui, oui, oui. Alors, après ton service civique, est-ce qu'il y en aura un autre à Mirador? Là, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait un vraiment de prévu. Il faudrait qu'il y ait un nouveau projet, en fait, pour ouvrir un nouveau service civique. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou pour continuer le projet ensemble, mais il n'y a rien qui est décidé encore. D'accord. Alors, peut-être deux, trois questions pratiques. Combien d'heures tu fais par semaine? 28 heures. 28 heures, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est divisé, tu l'as étalé sur toute la semaine ou... Je l'ai étalé sur du lundi au jeudi. En fait, je fais 7 heures par jour, du lundi au jeudi. Et donc, ça me permet d'avoir mon vendredi. Et tu fais d'autres choses à côté? Est-ce que tu t'es investi dans d'autres associations? Tu as d'autres projets en cours, personnels ou autres, hein? J'aime beaucoup la danse, alors je fais de la salsa et je fais aussi ça pour moi, j'en ai fait en club mais j'en fais plus, de la danse sur glace à la, wow, à la patinoire. Okay. Et c'est voilà, c'est ça me prend pas mal de temps. Et puis sinon qu'est-ce que je fais en dehors? Je vais déjà un petit peu à la fac, un peu voir comment ça se passe. Tu t'es un peu préparée, en fait, vraiment ton service civique, ça t'a vraiment permis de préparer en fait tes futures études, quoi. Je crois que j'aurais pas eu le temps, enfin en tout cas je l'aurais pas pris l'année dernière pour vraiment regarder en détail ce que je voulais faire, mes études, les études vraiment que je voulais faire. Là j'ai eu par un moment, là, j'ai voulu aller à Lyon. Je suis allée aux portes ouvertes. Je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, mais voilà, ça me permet d'avoir du temps aussi pour pouvoir réfléchir à ce que je veux faire l'année prochaine. C'était le but. C'est vrai que les portes ouvertes, elles sont assez tôt, genre février, mars, des fois. Et... Ouais. Voilà, janvier à Lyon. Ouais, et du coup, quand t'es de l'année du bac, tu penses pas forcément à te dire « Oh chouette, je vais faire toutes les portes ouvertes possibles ». C'est ça, surtout que c'était mercredi, jeudi, enfin voilà quoi. Ouais, en plus en pleine semaine, c'est pas forcément pratique. Ouais. Et du coup, ça t'a vraiment apporté le service civique? C'est plus du temps pour réfléchir ou c'est aussi des éléments de réponse à ce que t'avais envie de faire? Il y a déjà avoir le temps de pouvoir me poser... du coup le week-end, parce que la semaine je suis quand même bien prise, me poser pour réfléchir plus à ce vers quoi j'ai envie d'aller, et puis vraiment pour pouvoir voir concrètement ce que c'est la vie associative, faire monter un projet, le monde du travail, c'était super intéressant de pouvoir faire ça juste après son bac, en se disant que j'ai qu'un bac, mais j'arrive vraiment à faire des choses ici, et concrètes, ouais. Voilà, c'est ça. Mais j'ai vraiment envie aussi de faire des études, j'ai vraiment envie d'aller à la fac, ça me donne vraiment envie. Mais là, cette année-là, peut-être que ça me permettra aussi d'aborder des éléments théoriques qui me sont apportés par l'université, peut-être de manière plus pratique, en les ayant... Enfin, par exemple, la méthodologie de projet, c'est quelque chose que j'aurais déjà vu avant de l'étudier, et ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler l'intitulé? Donc, c'est une licence que tu veux faire l'année prochaine? Ouais, une licence en sociologie, en fait. D'accord. C'est ça. Et j'avais lu un petit peu sur le site de Mirador que c'était, si j'ai bien compris, c'était des étudiants à la base qui avaient fait un cours, qui c'était, où c'était un petit peu un jeu de rôle, où ils avaient un petit peu compris des enjeux sociaux, politiques, dans la histoire comme ça. Pour Mirador, comment ouais. Mirador a été créé? Oui, oui, c'était au Liban, en fait, ça s'est passé au Liban. C'était Morgan Hirsch, donc la directrice de l'association, qui était dans un cours de relations internationales, si je ne me trompe pas. Et qui, donc oui, il y avait un jeu de rôle et chacun devait jouer un pays. Et elle a trouvé cette... donc c'était un jeu de rôle qui avait duré une semaine, je crois, donc vraiment intensif, oui, ouais. quoi. Et Moritz Sutter, donc le président de l'association, au fur et à mesure, ont eu l'idée de créer cette association-là, au début basée vraiment sur la compréhension des conflits internationaux. Et tu penses que tu vas retrouver un petit peu ce genre de choses dans tes études en sociologie? Pas forcément, peut-être. Si on peut-être la sociologie c'est vraiment très vaste, très je pense vaste, que ouais. Ça dépend comment tu te spécialises peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Moi c'était pas ça qui m'avait intéressé au départ, même si je trouve ça vraiment très intéressant. Dans nos formations, on fait des simulations de crise un petit peu comme ils ont fait au Liban, mais en plus court, forcément. Et une semaine, c'est un peu long, ouais. C'est un peu long de mobiliser des gens sur une semaine pour faire une simulation de crise internationale. mais ça permet justement d'aborder le conflit sans y être impliqué au début, en fait. On se met à la place de chaque pays, donc on développe son empathie, mais sans avoir les sentiments qui s'y réfèrent quand on parle d'une situation personnelle ou d'un conflit qu'on a vécu, quoi. Et les gens qui sortent de ces formations, ils sentent vraiment qu'il y a eu un changement de pensée, de prise de conscience? Ça dépend des gens. Ouais. Y en a qui ça doit toucher plus que d'autres, puis ça doit dépendre aussi des thèmes qu'on aborde. Mais on a eu quand même pas mal de retours vraiment positifs de personnes qui trouvaient que c'était un outil vraiment original et qui leur avait vraiment servi à pouvoir prendre du recul, se mettre à la place de l'autre, comprendre les enjeux en fait avant de que ce soit vraiment en s'impliquant soi-même, quoi. Toi, j'imagine ça. Tu vois un peu les choses peut-être différemment depuis que tu es à l'association Mirador. Ah oui, je découvre plein d'outils de communication autour de la gestion des conflits. Ouais. Même dans ta vie, je veux dire personnelle. Ah oui, et ces outils m'aident vraiment dans ma vie, ouais. Et c'est depuis que j'arrive un petit peu à me les approprier que en formation, j'arrive à plus les. Ah oui, c'est comme tu as eu un espèce de vécu, d'expérience. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, quand on le vit, on arrive plus à l'expliquer, en fait. Ouais. Et du coup, ces formations, j'ai vu que vous en proposez aussi pour des services civiques. Oui. Parce que, alors peut-être pour les gens qui ne savent pas, quand on est en service civique, il y a donc des formations qui sont obligatoires. Il y a la formation PSC1 et une autre formation autre. Donc vous, c'est quand la prochaine formation que vous allez proposer pour les services civiques? Je ne connais pas la date exacte. Je crois avoir vu que c'était peut-être en mars. Bon, sinon, oui, ça doit être retrouvable. Sur le site, elles doivent être trouvables vraiment sur le site des formations civiques et citoyennes. On les appelle comme ça, je crois. Oui. Oui, elles doivent être disponibles sur le site. C'est vrai que moi, je me suis pas intéressée aux dates parce que je ne pense pas faire ma formation civique et citoyenne à Mirador. Ouais, je sais pas exactement. Et du coup, toi, tu l'as déjà faite cette autre formation? Non, je recherche. C'est dans ce que je dois faire cette semaine d'ailleurs. rechercher ma formation civique et citoyenne. Et puis le PSC1, je le fais demain du coup. D'accord. Et c'est jusqu'à quand déjà ton service civique? Jusqu'à le 28 mai. D'accord, donc t'as encore un petit peu de temps pour trouver quelque chose, quoi. Ouais. D'accord. Et puis, ben voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour des questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose un petit peu sur ton vécu, tes impressions. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu recommanderais le service civique à quelqu'un ? Oui. Après, ça dépend. Oui, pour moi, le service civique est vraiment bénéfique. Et je pense que pour bon nombre d'autres personnes aussi qui se cherchent, qui ne savent pas forcément vers quelles études aller, ça peut être vraiment bénéfique. Après, il y en a qui seront pas attirés par ce genre de dispositif. C'est voilà. À chacun de voir. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment un moyen de pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle, enfin dans le monde professionnel, même déjà à 18 ans, et d'observer un petit peu comment ça se passe, de prendre confiance en soi. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu avec plusieurs volontaires qui disaient que ça leur avait permis de prendre confiance en eux, de sentir utile, de faire quelque chose de concret. Enfin, vraiment, c'est au lycée, j'avais souvent la flemme. Et là, depuis que je vois pourquoi je le fais, enfin, je vois concrètement pourquoi je fais tout ce que je fais. Mm-hmm. Ça me j'ai encore pas eu la flemme, quoi. Ça fait 5 mois, j'ai encore pas eu la flemme. T'es motivée le matin, tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. C'est ça. C'est vraiment très agréable. Ouais. Mmh. Ok, bah, c'est super. Je pense que tous les gens qui nous écoutent voudront faire leur service civique à Mirador. S'ils en proposent un nouveau, on espère. Voilà. Et puis, bah, merci pour tout. Bah, merci. Merci à vous. Et voilà, vous venez d'entendre le premier portrait de cette émission Portrait Civique. Je vous invite à revenir mercredi prochain à 14h pour un nouveau portrait de jeunes en service civique. En attendant, vous pouvez toujours nous réécouter en rediffusion jeudi à 11h ou en podcast sur radioguimozo.eu ou sur la page Facebook Radio Guimozo. À bientôt sur le 107FM.